une émission de mix donc qui s'appelle Party Fun. Ça vous l'avez compris, vous allez me dire normal. Mais le samedi soir de 20h à minuit, c'est une DJette qui est au platine de Party Fun avec moi. Et ce soir, c'est elle qui va lancer ce Party Fun Live spécial Fête de la musique à Marseille en direct dans toute la France sur Fun Radio. Voici Maëva Carter. Hey everybody. This is Maëva Carter. Maëva Carter. Party people's most wanted lady. Look at her. Listen to her. And dance. Are you ready? Marseille, comment ça va ce soir? Je veux tout le monde les mains au ciel, tout le monde. Damn, it feels so good to do what I want to. Everything is here right now, I'm in control. Marseille, bonsoir! Happiness matters only when checked. Now it's time to break the rules and get to places I have never been before. I will cross the seven seas, get crazy melodies. Love is a journey, life is so short. Bye. Eva Carter. Mix. En direct. Sur Fun Radio. We'll be right back. Mix en direct de la plage Borély à Marseille pour le Party Fun Live. Marseille ce soir, on est en direct de Fun Radio. Fais-moi du bruit. Because maybe

Et ils sont là les gars qui écoutent Party Fun tous les samedis soirs. Viens voir, viens avec nous Maëva deux secondes. Maëva Carter. Encore du bruit, encore du bruit. Waouh. Tous les samedis soirs sur Fun Radio, Party Fun, 20h, minuit, l'émission mixée par une DJ. C'était Maëva Carter. Est-ce que vous avez kiffé Marseille? Je te fais un gros bisou et puis je te dis à samedi. Merci Maëva. Bon JB. Je crois qu'il va être l'heure d'accueillir un DJ qui tenait absolument à être avec nous ce soir avant qu'il parte pour Ibiza. Il voulait absolument passer par Marseille. Ouais, exactement. Est-ce que ça va le Party Fun Live? On est en direct de Marseille, plage Borély. À ma gauche, j'ai la mer. À ma droite, j'ai la Soch Freestyle Cup. Et j'ai un public de fous. Waouh. Alors Adrien, il était là pour la toute première édition de la Soch Freestyle Cup. Ouais. Et 10 ans après, il est de retour. Vendredi, il est venu dans les studios de Fun Radio, chez Bruno dans la radio. Vous connaissez Bruno dans la radio ? Bruno dans la radio ? Pas mal. Et il est venu présenter son nouveau single qui s'appelle All Stars. Marseille, est-ce que vous êtes prêts ? Non. Voici. Non, non, non. Non, ouais, c'est Marseille. Vrai. Est-ce que vous êtes prêts ? Voici Monsieur Martin Solveig. Martin Solveig, mix en direct de la plage Borély à Marseille pour le Party Fun Live. Marseille, je suis tellement heureux d'être ici. Merci beaucoup de nous avoir sur la plage avec vous. Marseille, c'est parti! On va danser ensemble pendant 40 minutes sur Fun Radio, en même temps, coucher de soleil. Ceux qui veulent aller dans l'eau peuvent y aller. Est-ce que vous êtes prêts? On va taper dans les mains comme ça. Solveig. Mix. En direct. Sur Fun Radio. Oh, Parce que les gens sont chauds à Marseille. Non mais vraiment chaud, vraiment chaud. Toi tu es chaud. Est-ce que vous êtes vraiment chaud? C'est beau, invitez vos amis à nous rejoindre. Envoyez-leur des WhatsApp. Fun radio. connais les paroles, chante avec moi. Ça va être une très très belle soirée, vraiment invité. Envoyez des snaps, invitez vos amis à venir remplir cette belle plage Borély. Vous pourrez sauter dans l'eau, moi je vais aller sauter dans l'eau hein, tout à l'heure. Je suis vraiment content d'être ici, c'est pas très, très souvent que je viens à Marseille, alors comme c'est une ville que j'aime beaucoup, ça me fait doublement plaisir. Évidemment on va pas se faire que du matraquage pendant 40 minutes. Il y a énormément d'autres DJ qui vont jouer. Moi, c'est le moment où je vous dis, venez me voir à Ibiza, prenez juste le bateau et je vais vous jouer un petit peu l'ambiance justement de ce qu'on fait à Ibiza en ce moment. Et je sais un peu pareil qu'à Marseille, ça ressemble beaucoup d'ailleurs. Alors je suis sûr que ça va vous plaire. I come back to the places where we found us. tu penses que Marseille c'est mieux qu'Ibiza, tu peux faire du bruit maintenant. I'm way too good to you. take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. The years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? How long did we last? How long did we last? How long did we last? How long did we last? How long did we last? Morceau préféré pour le cocktail, pour l'apéritif. Can't stop looking for love. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got. Just stop looking for love. You still got time. Girl, young, you still got time. Girl, young, you still got time. This could be something if you let it be something. Don't scare me away. Turning something's into nothing, babe. You're already used to the games, babe. Danser à Marseille. J'ai l'impression. Martin Solveig, mix en direct de la plage Borély à Marseille pour le Party Fun Live. Jusqu'au vélodrome, come on! Play it loud, we don't care.

intoxicated. Merci. Martin Solveig, c'est pas fini. C'est pas fini. Ceux qui sont dans l'eau se jettent dans l'eau. Ceux qui ne sont pas dans l'eau se jettent pas dans l'eau. C'est parti. Merci Marseille, merci Fun Radio et surtout merci Marseille, salut. C'était Martin Solveig. Martin vient nous voir deux minutes avant que tu partes, je sais qu'il est un peu pressé parce qu'après il part à Ibiza pour s'asseoir à My House comme tous les mercredis soirs. Martin Solveig, s'il vous plaît, Marseille, c'était incroyable. Nouveau morceau qui s'appelle All Stars, que vous écoutez déjà sur Fun Radio. C'était un vrai kiff, merci beaucoup. Martin Solveig qui est avec nous, JB, pour le Party Fun Live à Marseille. Applaudissements pour monsieur Martin Solveig, s'il vous plaît. On le retrouve cet été à l'Electro Beach. Ouais. Ce sera le 14 juillet en direct sur Fun Radio. Adrien, ce monde, wow. 25 000 personnes à Marseille. Adrien, ce que je propose, c'est qu'on va tous lever les bras, on va tous lever les bras et on va faire une photo que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Tout le monde, toute la plage. On lève les bras. 3, 2, 1. Waouh. Ce sera sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Alors, JB, maintenant on va laisser les platines à un Marseillais. Parce qu'il y a énormément de talent ici à Marseille. Il le prouve déjà depuis plusieurs mois en étant résident tout l'été à Ibiza pour les soirées de David Guetta notamment. Il sera cet été aussi à Tomorrowland. Lundi, il sera avec nous sur Fun Radio à 19h dans le Before Party Fun en direct sur Fun Radio. Et il est là ce soir. Il joue à la maison pour nous présenter son nouveau morceau qui s'appelle Baby. Marseille, je crois que vous pouvez faire du bruit ce soir pour notre pote Hugues. Marseille, Marseille, Marseille. J'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être à la maison ce soir avec vous. C'est un gros kiff. Si vous êtes prêts à tout casser pour la fête de la musique, faites du bruit. J'aimerais voir toutes vos mains vers le ciel, tout le monde. À droite, à gauche, devant, derrière, tout le monde. Put your hands up. She take my money. Well, I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Well, now, let it go. Ugel Mix en direct de la plage Borély à Marseille pour le Party Fun Live. Real mob ties, real pro guys, real old pies, all time. Les bras, tout le monde. Marseille. Le soleil vient de se coucher, j'aimerais vous entendre faire du bruit. Yeah. Tout le monde, let's go. Pogo ici à Marseille. Décaler la foule un peu à droite, un peu à gauche et on accélère. Vous êtes prêts ou pas? Party Fun Live. Party Fun Fun. La. On accélère ou quoi, Marseille? Credit cards and scams, hitting the licks in the van. Legacies, family, way see, look like a pan. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, way see, Packers war, Danny, selling ball, candy. Been on the match and I ran it. The chopper go out for granted. Big nigga bullet, you ban it. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted the D in the van. Credit cards and scams, hitting the licks in the van. Legacies, Fanny, way see, look like a pan. Going out like a Montana. Only killers on the hands. Legacy, Fanny, way see, Fanny. Packers for Danny, Celebrate, Candy. Been at the margin like Randy. The chopper go out for Grammy. They make a bullet, you're banned. Hope the killers understand. J'aimerais avoir du bruit. Du bruit. Toutes les mains vers le ciel comme ça, tout le monde. Même au fond là-bas, tout le monde. Depuis Marseille. sur la radio dans toute la France et j'aimerais tous vous entendre chanter maintenant. Vous êtes prêts? Tout le monde, tout le monde. Le mic est à vous, bébé. Since days are under rules, never lose, never choose to bruise, cruise, who do something to us, talk, go through us, girls want to us, wanna do us, screw us, who us, yeah, Papa and Pop, close like Starsky and Hutch, stick to clutch, yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC easily, take that, recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace, Cubans with the Jesus peace, with my peace, asking who want it, you gotta take a flaunt it, that Brooklyn bullshit, we on it. Take that, take that, take that. J'entends rien du tout. Marseille, est-ce que vous êtes là? Ok Marseille, avant on avait les briquets, aujourd'hui on a les iPhones. J'aimerais que tout le monde allume sa lumière dans le ciel comme ça. Maintenant, parce que c'est ma ville et que je suis très content de jouer ici avec vous ce soir. Et parce qu'on va faire une énorme photo et demain tout le monde ira se taguer sur Facebook. J'aimerais voir toutes les lumières dans le ciel. Parce qu'on est chez nous ici à Marseille. Je veux voir toutes les lumières dans le ciel. sur la plage chez nous à Marseille, ici ce soir, en direct live dans toute la France sur Fun Radio. Put your hands up, put your fucking hands up. Est-ce que vous êtes prêts à foutre le bordel ou pas? Je dis pas ça pour faire la phrase du DJ habituel, mais je crois que vous êtes vraiment le meilleur public de France, Marseille. Toutes les mains en l'air, tout le monde, Marseille, heads up. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. And I came here for you, homie, what up? Yeah. Merci beaucoup Marseille. Wow. Applaudissements pour Ugel. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen que je fasse une petite photo avec tous les gens de ma ville? Viens. Hop. Est-ce que vous avez kiffé le set d'Ugel Marseille? Le Party Fun Live, spécial fête de la musique. Et Ugel, si vous l'avez kiffé, il sera avec nous, Adri. Lundi 19h-20h dans le Before Party Fun. Bébé, pour la présentation du nouveau single. Pour la présentation du nouveau single, bébé. C'est marrant, il y a des gens partout que je connais qui sont là. C'est moi, je suis là. 25 000 personnes. On se fait le snap? On fait une photo. On fait une photo. Allez, ok, toutes les mains vers le ciel, Marseille. J'ai un peu gros aussi, je suis un peu gros. Tout le monde lève les mains au ciel. Voilà. 3, 2, 1. Merci Marseille. Merci à toi poteau. Juste avant le prochain artiste, Marseille, Fun Radio tous les jours entre midi et 16h. Et près de chez vous, il y a des animateurs à Toulouse, il y a des animateurs à Dunkerque. Et je voulais vous présenter votre animateur ici à Marseille entre midi et 16h. Il s'appelle John. Applaudissements s'il vous plaît pour l'animateur de Fun Radio Marseille, John. John, je te présente ton public. Est-ce que ça va Marseille? JB, je sais, alors JB il est toulousain, voilà, faut le dire, il est toulousain. Vrai, je suis toulousain. Il est supporter du TFC, et je sais pas si tu es au courant. Arrêtez! À quelques kilomètres d'ici, il y a le Vélodrome, et je sais qu'ici ce soir... Désolé, c'était pas prévu. On va pas chauffer sur le foot ce soir, hein. Marseille! Est-ce qu'on peut se faire un kiff, Marseille, s'il te plaît? Lance un chant, vas-y. Est-ce qu'on peut se faire un aux armes? Est-ce qu'on peut se faire un aux armes? Sur Snapchat, la famille! Aux armes! Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Et nous allons gagner! Bravo Marseille! Et rendez-vous demain midi 16h, John! Check! Adri, wow. Prochain artiste, un pote encore de la famille Fun Radio. Ouais, c'est un pote, notre prochain DJ, il vient tout simplement de Belgique et spécialement ce soir, il a 21 ans et sur Fun Radio, c'est un de nos artistes préférés. Pour la première fois ici ce soir devant vous, Marseille, mettez-moi le bordel pour Henri PFR! So long, now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. You got a heart full of gold, and that's really turning me on. You are everything that I dreamed of. Never can paint a picture. You are making my life much greener. Yeah, yes. Bonsoir, Marseille. Est-ce que je peux voir toutes les mains en l'air? Tellement oh, let's go! FunRadio.fr. Mix. Mix en direct sur Fun Radio. Comment ça va ce soir, Marseille? Film, smoke a little. Marseille, est-ce que je peux voir toutes les mains en l'air? Tout le monde, mais... Non, pas juste devant, je vais voir au bout, là-bas, au bout de la plage. Tout le monde, les mains en l'air, Marseille. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Henri PFR Mix en direct de la plage Borély à Marseille pour le Party Fun Live. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. Ok, vous avez vraiment l'air chaud, c'est ça? Est-ce que je peux vous demander à tous, on va faire une petite vidéo, de voir encore une fois tous les téléphones en l'air, toutes les lumières avec moi. Tout le monde, Marseille. Toute la France nous écoute en ce moment, Marseille. Donc faites un maximum de bruit pour tout le monde! Mes derniers morceaux qui s'appelle Until the End. Pour celui-là, j'aimerais vraiment bien que vous soyez tous avec moi. Et j'aimerais bien, vraiment bien avoir toutes les mains en l'air encore une fois. Tout le monde. Until the end. Henri PFR en mix pour le Party Fun Live depuis Marseille.